إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc نعم. Donc on est aujourd'hui au cours numéro 16 dans l'explication du livre Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul 'ala al-muttasil al-majhul. Et le cheikh dans ce passage, il va répondre à la parole de Al-Buhansawi au sujet de la jizya et il va répondre à cette parole quand il a parlé de la jizya, et ensuite il commence à parler d'un autre sujet. C'est-à-dire la liberté de croyance des ikhwan. Les ikhwan, on sait que les ikhwan, al-muflisin, ils défendent la liberté de croyance dans leur manhaj, dans leur groupe. Donc, on va parler de ces deux choses-là aujourd'hui, inshallah. Le cheikh, il dit, ah oui, avant de continuer, la citation hier quand on lisait la parole de l'imam Ibn Rushd dans Bidayat al-Mujtahid, quand l'imam Malik disait وَقَدْ سُئِلَ مَالِكْ عَنْ سِحَّتْ هَذَا الْأَثَرْ فَلَمْ يَعْتَرِفْ بِذَلِكْ, c'est-à-dire la narration ذَرُ الْحَبَّشَةَ مَا ذَرَتْكُمْ وَقَالْ وَلَمْ يَزَلِ النَّاسِ يَتَحَامَوْنَ غَزْوَهُمْ. C'est-à-dire, Ibn Rushd, il dit que l'imam Malik avait rapporté ce hadith-là, laissez les Éthiopiens tant qu'ils vous laissent, ou laissez l'Éthiopie tant qu'elle vous laisse. Et on lui a posé la question au sujet de l'authenticité de cette narration, puis il avait dit, yani, qu'il ne reconnaissait pas son authenticité. Toutefois, il a dit, les gens se gardaient tout le temps ou bien évitaient tout le temps de les combattre. Okay? Donc c'est à cause de, probablement du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait la première hijra vers ces gens-là, wallahu a'lam. Donc ensuite on revient à la citation de Al-Buhansawi ici. Il dit thumma qal إن بعض الكتاب لم يفهم معنى آية الجزية وأخذ منها حكما عاما يسري على غير المسلمين جميعا, بينما هي تخص فئة خاصة جدا من أهل الكتاب فيهم نزل قوله قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعند نزول هذه الآية كانت جزيرة العرب قد دانت بالإسلام, وكان نصارى الروم قد تجمعوا في نحو مئة ألف مقاتل لغزو المدينة, ومن ثم كانت غزوة مؤتة في مواجهة هذا الحشد فالجزية في النص القرآني خاصة بهذه الفئة من أهل الكتاب. قلت هذا الكلام مغالطة فاضحة وتعمية عجيبة وذر للرماد في العيون كما يقولون، ولا ندري ماذا يستفيد هذا وأمثاله من هذه المغالطات التي لا تليق بمن يتكلم في شرع الله عز وجل. وويل لمن يتكلم في شرع الله بلا علم، وويل لمن يتكلم في شرع الله فيكتم الحق وينشر الهوى مع علمه به. Donc le cheikh il cite cette parole de Al-Buhansawi et on commence donc avec ça. Il dit que certains écrivains n'ont pas compris les versets qui parlent de la jizya, hein, et ils en ont pris un verdict général qui comprend tous les non-musulmans, qui comprend tous les non-musulmans, alors que ça ne s'applique qu'à un petit groupe très particulier parmi les gens du livre, au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 29 dans sourate Tawba: combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier et qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne pratiquent pas la religion de vérité parmi ceux à qui on a donné le livre jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya de leurs propres mains alors qu'ils se sont humiliés. Il dit que, hein, Al-Buhansawi, il dit que ce verset-là était descendu au sujet des chrétiens de Rome à l'époque où dans la péninsule arabe la plupart des arabes étaient devenus musulmans, et les chrétiens arabes ils préparaient une grosse bataille contre Médine. Ils avaient réuni environ 100 000 combattants pour attaquer Médine, et donc il dit c'est de là que est arrivée la bataille de Mu'ta pour affronter cette menace-là. Et puis la jizya dans le Coran est en particulier pour ce groupe de chrétiens-là parmi les gens du livre. Le cheikh Ahmed al-Najmi il répond à ça en disant que ça c'est une grave erreur, et c'est une forme d'aveuglement incroyable, et c'est de lancer de la poudre aux yeux comme on dit. Et il dit, je ne sais pas de quoi ils vont profiter les gens qui utilisent de telles déformations et de telles erreurs, hein, qui ne conviennent pas à quelqu'un qui parle de la religion d'Allah et de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, bien entendu, lorsqu'on parle de la religion d'Allah, il faut dire la vérité, comme le cheikh l'a expliqué plusieurs fois. Donc il dit, je ne sais pas de quoi ils vont profiter, les gens qui font ces déformations-là et qui parlent de cette façon incorrecte et qui mentent. Hein? Il dit, donc malheur sur celui qui parle de la religion d'Allah sans connaissance, et malheur à celui qui parle de la religion d'Allah sans vouloir dire la vérité, et en cachant la vérité et en suivant sa passion alors qu'il sait la vérité, hein. Donc il y a deux catégories: il y a ceux qui cachent la vérité et qui savent la vérité mais qui disent le contraire de la vérité, et il y a ceux qui ne savent pas la vérité et qui parlent de la religion d'Allah sans connaissance. Donc le cheikh il réfute cette parole en 10 points Non, en 11 points. Donc il va énumérer 10 points ou 11 points pour réfuter cette idée. Il dit: أولا أن الله أنزل شرعه لعامة الناس ولم ينزله لفئة معينة في زمن محدد ثم ينتهي. Il dit: premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé sa religion pour les gens en général, et non pas pour un petit groupe en particulier à une époque particulière, qui est limitée et qui s'arrête. Ça c'est quelque chose qui est important de comprendre. Ensuite, le point numéro 2, lafdhul ayati am sadara bil amr bil qital qatilu alladhina la yu'minuna fal ladhina maf'ul qatilu wa huwa ism mawsul من أدوات العموم وصلته لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب فهذه الأفعال صفات للذين أمر الله بقتالهم صفات للذين أمر الله بقتالهم. Donc le cheikh il dit, le verset il est premièrement général. Déjà au début du verset, le verset commence par le verbe impératif qui de combattre, hein, le verbe, la forme impérative du verbe de combattre. Qatilu. Alladhina la yu'minun. Qatilu, ça veut dire combattre, et ensuite c'est ceux qui ne croient pas. Et le cheikh, il dit que ceux, il est maf'oul du verbe qatilu. Et c'est un ism mawsoul qui fait partie des choses qu'on utilise pour quand on veut désigner quelque chose qui est général, sans spécifier quelque chose en particulier. On dit alladhina, on dit ceux. Hein? Quand on veut spécifier quelque chose, on le spécifie en utilisant un nom propre, hein, ou quelque chose de ce genre. Mais quand on dit alladhina, quand on dit ceux, sans spécifier, ça veut dire que c'est quelque chose qui est général. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala le relie à la suite du verset, et qui ne croit ni en Allah ni au jour dernier, et qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne pratiquent pas la religion de vérité parmi ceux qui ont reçu le livre. Et ça, ce sont des descriptions de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de combattre. Ensuite, le point numéro 3. Thalithan, ayna al-mukhassas li hadha al-umum bi fi'atin mu'ayyanah duna ghayriha mimman hum dakhiluna tahta hayz al-umum. Le cheikh il dit comme point numéro 3, et ça c'est une question importante, où est la preuve pour restreindre ce verset qui est général à un petit groupe particulier en dehors des autres, alors que on voit que yani, le verset est général, hein? Donc pour limiter le verset ou pour restreindre la compréhension de ce verset à un groupe en particulier et pour exclure tout le reste, alors dans ce cas-là, il faut avoir une preuve que c'est juste limité à un petit groupe parmi les chrétiens. C'est quoi la preuve de ça? Il n'y a pas rien qui prouve ça dans la charia, que c'est limité à un groupe particulier ou qu'il y a cette restriction-là. Ensuite, le point numéro 4. إِنْ كَانَ لَكَ مُشَارَكَةً فِي الْعِلْمِ فَتَذْكُرْ مَا قَرَّرَهُ عُلَمَاءُ الْأُصُولِ فِي قَوْلِهِمْ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ فَهَذِهِ الْآيَةَ بِلَفْظِهَا وَإِنْ صَحَّ أَنَّ لَهَا سَبَبًا فَإِنَّ ذَلِكَ السَّبَبُ لَا يَجْعَلُهَا مُخَصَّصَةً بِهِ بَلْ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ لَفْظِهَا. Le cheikh explique en quatrième point, et ça c'est une qa'ida, c'est une règle en fait dans la science islamique, hein, dans les principes de tafsir. Le cheikh dit, si vous avez une certaine yani, pratique ou une certaine vous avez quelque chose en commun avec la science, vous avez l'habitude de connaître quelque chose qui a rapport avec la science et de ce que les ulama ont appris, donc vous devez être au courant du principe fondamental que les ulama ont confirmé dans leurs paroles, en disant que l'important c'est le sens général du texte et non pas la cause qui vient spécifier ou bien la cause pour laquelle elle a été révélée, la cause pour laquelle ce verset-là a été révélé, hein? C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un verdict dans le Coran, on ne se limite pas uniquement à la cause de la révélation de ce texte ou de ce verset, mais on se base sur le sens général du texte en question pour comprendre sa signification et pour l'appliquer, hein? Donc le cheikh il dit que même si même si le texte a une cause, c'est vrai qu'il a été révélé pour quelque chose en particulier, toutefois on ne peut pas prendre cette cause-là et faire d'elle quelque chose qui vient restreindre la signification de ce verset-là. On doit plutôt, pour comprendre comme il faut sa signification et pour l'appliquer, retourner à retourner au sens général de son, de, du texte et qu'est-ce que son, c'est, qu'est-ce qu'il signifie dans, dans ces termes, hein. Donc, par exemple, le hijab, dans le Coran, il était révélé pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les femmes des sahaba. Mais est-ce que ça veut dire que c'était limité uniquement à ces femmes-là? Ou bien ça s'applique à toutes les femmes croyantes? Bien entendu, ça s'applique à toutes les femmes croyantes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des mushrikines dans le Coran, est-ce que ça se limite uniquement à la tribu de Quraysh et aux Arabes de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien ça s'applique à toute personne à travers le temps qui vient par la suite et qui pratique le shirk? Bien entendu, ça s'applique à toute personne qui vient par la suite et qui pratique le shirk. Donc, les versets sont révélés à propos de certaines personnes ou certains individus ou dans certains événements ou dans certaines occasions. Toutefois, le fait que les versets soient révélés à propos de ces individus-là ou à propos de ces événements-là, ça ne vient pas limiter le sens du verset. Et pour le comprendre, ce verset, on doit retourner à la signification de ce verset et non pas seulement à la cause de sa révélation. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui parmi les modernistes, et c'est ce qu'ils utilisent comme shubha pour essayer de faire croire aux gens que les choses sont ne s'appliquent pas aujourd'hui. Ils disent ces versets étaient révélés pour telle et telle occasion, et donc ça veut dire que ça ne s'applique plus aujourd'hui. Et bien entendu, en disant ça, ils sont en train de limiter le sens du Coran. Hein, parce que le Coran il est universel, c'est-à-dire qu'il s'applique à travers le temps et à travers l'espace, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala il a la connaissance du passé, de l'avenir et de toutes choses. Et donc quand il a révélé le Coran, c'est pas uniquement pour que ça s'applique dans une époque en particulier, mais pour que ça s'applique pour toujours jusqu'à la fin des temps. Donc ça c'est très important de comprendre ce point là numéro 4. Le point numéro 5: إن كانت خاصة بنصارى الروم فإن الأقباط في ذلك الزمن كانوا محكومين بدولة الروم وهم من النصارى التابعين لدولة الروم ولم تكن مصر عربية إلا بعد أن هاجر إليها العرب بعد الإسلام وسكونها وسكنوها. الشيخ الذي cinquième point, si vous dites que ce verset se limite uniquement aux chrétiens romains et que ça ne s'applique pas aux coptes de l'Égypte, alors vous devez savoir que les coptes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient dirigés par l'Empire romain. Alors ils étaient chrétiens et ils suivaient l'Empire romain. Donc si vous dites que ça s'applique uniquement aux romains, sachez que même l'Égypte était à l'époque romaine. Et elle n'était pas arabe, c'est-à-dire les Égyptiens à l'époque ne parlaient pas la langue arabe. Ils n'ont commencé à parler la langue arabe qu'après que les musulmans soient partis habiter là-bas, après que l'islam se soit répandu et que les musulmans soient partis habiter là-bas. Hein? Donc ça c'est pour faire comprendre que déjà ils n'étaient pas arabes de un, ils n'étaient pas non plus ils étaient sous la gouvernance des Romains. Donc si vous dites que ça se limite ou que ça s'applique aux Romains, eux ils faisaient partie du gouvernement des Romains et ils étaient dirigés par les Romains. Donc dans ce sens là vous ne pouvez pas les exclure de ce verset en parlant des chrétiens de l'Égypte. Ensuite il dit comme point numéro 6: هل نصارى الأقباط لا ينطبق عليهم الوصف لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخر ما جاء في الآية. يعني هل الأقباط يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ هل هم يحرمون ما حرم الله ورسوله؟ وهل هم يدينون دين الحق وهو الإسلام؟ حتى تقول إن الآية لا تنطبق عليهم ولا تتناولهم بأوصافها. الشيخ الذي كم numero 6 كم point numero 6: est-ce que les chrétiens coptes de l'Égypte, ça, on ne peut pas appliquer sur eux la description que Allah a dit au sujet des gens qui doivent être combattus dans ce verset-là. Ils ne croient pas en Allah et au jour dernier. Il dit, est-ce que, et jusqu'à la fin du verset, il dit, est-ce que les chrétiens coptes croient en Allah et au jour dernier. Bien entendu, ils ne croient pas en Allah et au jour dernier, puisqu'ils font le shirk, puisqu'ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein, puisqu'ils adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des preuves qui ne croient pas en Allah et au jour dernier. Et si quelqu'un ne croit pas au jour dernier, il ne croit pas en Allah. Et si quelqu'un fait le shirk avec Allah, il ne croit pas en Allah. Même s'il dit qu'il croit en Allah, il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la foi, pour dire qu'on croit en Allah, il faut appliquer le tawhid et suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il n'y a pas de foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit ensuite, et est-ce qu'ils interdisent ce qu'Allah a interdit ainsi que son messager? Bien entendu, les chrétiens, peu importe que ce soit des coptes ou non, ils n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit de la religion. Le point numéro, ensuite, il dit, est-ce qu'ils pratiquent ou est-ce qu'ils suivent comme religion la religion de vérité, c'est-à-dire l'islam, pour que tu puisses prétendre que ce verset-là ne s'applique pas à eux, alors qu'on voit très bien que ces descriptions-là s'appliquent exactement aux chrétiens coptes et aux autres aussi. Donc pourquoi les exclure de ce verdict et les exclure de ce verset sans aucune preuve? Le point numéro 7. وصف الله أهل الكتاب بهذه الأوصاف وهو وصف من عليم خبير قل أأنتم أعلم أم الله. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les gens du livre avec ces descriptions là, et c'est la description d'un qui est alim et qui est khabir. Alim, ça veut dire qui est omniscient, qui connaît toutes choses, et khabir, qui est bien et parfaitement informé de toutes choses. Donc dans ce sens-là, le cheikh il pose la question. قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ. C'est-à-dire, est-ce que vous avez plus de connaissances ou Allah, hein? Donc Allah il sait mieux que vous, la description des gens du livre. Point numéro 8. Désolé. Point numéro 8. Le cheikh il dit, إذا علم هذا فالآية عامة في أهل الكتاب سواء كانوا يهودا أو نصارى سواء كانوا عربا أو عجما سواء كانوا محاربين أو مسالمين أو ذميين. الشيخ الذي lorsqu'on a compris ça, on sait que ce verset là il est général pour tous les gens du livre, peu importe qu'ils soient juifs ou chrétiens, peu importe qu'ils soient arabes ou non arabes, peu importe qu'ils soient des gens qui soient en guerre contre les musulmans, ou qu'ils soient en paix avec les musulmans, ou qu'ils soient des gens qui font partie des gens de la Zimma, c'est-à-dire qui vivent avec les musulmans dans les pays musulmans, et qui ont refusé de combattre les musulmans et qui paient la jizya. Donc, ce verset, ça s'applique, cette description-là, ça s'applique à tous les gens du livre, peu importe. تاسعا إذا قصر المسلمون في حقوقهم فإن تقصيرهم لا يسقط تلك الحقوق إلا أن الواجب على كل من تكلم في الأحكام الشرعية أن يثبت الحكم الذي تكلم فيه عبودية لله ولا يراوغ أو يعمي ويتخاذل متأثرا بالمؤثرات الخارجية. قال الله تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Donc le cheikh ici dans ce verset là, pas dans ce verset là, dans ce passage là, il explique un point très très important, et que malheureusement beaucoup, en fait la majorité des ikhwan, ils passent par dessus comme si c'était rien. Mais même d'autres musulmans, parmi les gens qui ne font pas partie des Ikhwan, des fois on voit que aussi ils ont ce problème au sujet de certaines questions dans la religion. Le cheikh il dit que si les musulmans ont eu des manquements, ont laissé tomber certains de leurs droits, et qu'ils ont laissé tomber certaines de leurs obligations, ça ne veut pas dire qu'on doit faire tomber ces droits-là. Hein? Si des musulmans n'ont pas appliqué le verdict, de la charia et le verdict de la jizya, par exemple, au sujet des gens du livre, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser tomber ce verdict-là. Hein? Si les musulmans, on ne l'a pas fait respecter, ça ne veut pas dire qu'on doit l'abandonner, ou on doit le nier, hein, ou déformer sa réalité. Et le cheikh, il dit que l'obligation pour toute personne, lorsqu'il parle des questions qui ont rapport avec la charia et qui ont rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'affirmer le verdict au sujet duquel il parle. Hein. Et quand il affirme ce verdict-là, il l'affirme par adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne va pas se détourner ou faire preuve de lâcheté ou d'aveuglement, hein, pour être influencé par des influences extérieures et se détourner d'expliquer et de dire la réalité au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Parce que ça, c'est une obligation pour le croyant. D'accord? Donc, il doit expliquer et clarifier la réalité. Selon sa capacité. Mais si quelqu'un n'est pas capable, ou si quelqu'un ne sait pas, le mieux, c'est qu'il se taise. Et qu'il ne dise rien. Plutôt que de dire des choses qui sont fausses, ou incorrectes, ou contraires à la vérité. Hein? Donc ça, c'est un conseil, en fait, pour nous tous. Hein? Lorsque, par exemple, on nous demande ou on nous interroge et on nous demande de nous prononcer ou de parler de quelque chose qui a rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien dans ce cas-là, soit qu'on sait ou soit qu'on ne sait pas. Si on sait, on dit ce qu'on sait avec les preuves et on se tait par la suite, on ne rajoute pas. Et si on ne sait pas, on se tait complètement et on dit rien. On dit je ne sais pas, Allahu a'lam. Mais on n'invente pas à propos de la vérité et on déforme pas la réalité et on ne change pas la réalité pour faire plaisir à quelqu'un ou par crainte de quelqu'un. Et non plus on cache pas la vérité. Hein. Si on la sait, on la dit. Si c'est quelque chose qu'on sait, on le dit. Si on peut pas le dire ou si on n'est pas capable de le dire, on se tait, on dit rien. Mais on nie pas ou on défend pas ou on ment pas à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il mentionne le verset 135 dans Surat An-Nisa à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Hein? Ça veut dire que lorsqu'on te demande de témoigner à propos d'un être humain, tu dois dire la vérité et tu ne dois pas déformer ou donner un faux témoignage ou parler ou affirmer des choses dans ton témoignage qui sont contraires à la vérité. Alors si c'est le cas pour le témoignage à propos des êtres humains, que dire de celui qui témoigne à propos de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est encore pire. Hein? Il doit faire encore plus attention et faire attention d'être un témoin véridique à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le point numéro 10, أقول إن الله جعل لحكم القتال نهاية وهي قوله يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي قاتلوهم حتى بذلوا ويؤدوا الجزية وهم صاغرون. Donc le cheikh il dit, il y a une limite ou il y a une fin à ce combat que Allah nous a ordonné dans ce verset. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui suit dans le verset, حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya de leurs propres mains alors qu'ils se sont humiliés. Et c'est-à-dire de les combattre jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya et qu'ils soient humiliés ou qu'ils se soient fait petits eux-mêmes. Qu'ils se soient fait petits eux-mêmes. Après, le cheikh, il dit, le 11e point, هل للآية مفهوم مخالفة؟ أي هل هناك أحد من أهل الكتاب باق على دينه وكتابه؟ وهو مع ذلك يؤمن بالله واليوم الآخر ويحرم ما حرم الله ورسوله ويدين دين الحق؟ الجواب لا. لو كان فيهم أحد متصف بهذه الصفات لدان دين الحق بدخوله في الإسلام وتصديقه للقرآن ونبي القرآن. وقد بينت المهم من تمويهات هذا الرجل، هدانا الله وإياه وألهمنا رشدنا وأعاذنا من شر أنفسنا. الشيخ الزي pour terminer, est-ce qu'on peut comprendre le verset par son contraire, par son sens contraire, c'est-à-dire يعني, si on regarde le verset puis on se pose la question en regardant le contraire de ce que le verset dit, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un groupe de chrétiens aujourd'hui qui est resté sur la religion et sur son livre, et malgré ça il continue encore à croire en Allah et au jour dernier, et à interdire ce qu'Allah a interdit ainsi que son messager, et à pratiquer la religion de vérité? La réponse, non. Parce que s'il y avait un parmi eux qui répondait ou correspondait aux descriptions qui sont mentionnées dans ce verset-là, alors il aurait pratiqué la religion de vérité en entrant dans l'islam et en croyant au Coran et au prophète à qui ce Coran a été révélé. Et donc, le cheikh, il dit, on a clarifié qu'est-ce qui est le plus important des déformations de cet homme, que Allah nous guide et le guide lui aussi, et qu'il nous donne notre rectitude et notre guidance, et qu'il nous protège contre le mal qui est en nous-mêmes. Maintenant, on rentre dans un autre point, le point qui est al-ikhwan fi al-ikhwan al-muslimin, ou al-ikhwan wa hurriyat al-i'tiqad, c'est-à-dire les ikhwan et leur notion ou leur idée de la liberté de croyance et la liberté de culte et la liberté d'opinion et ainsi de suite. Ça, c'est leur da'wa, hein, c'est leur principe. Ils appliquent et ils croient en ces principes-là qui viennent des kuffars, que tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. Et bien entendu, on va voir qu'est-ce que le cheikh a dit à ce sujet-là, inshallah. Le cheikh, il dit, سَبَقَ أَنَّ قَلْتُ مِنْ مُرْشِدِ الْإِخْوَانِ وَمُنَظِّرِهِمْ حسب ما نشر في الصحيفة عنهم قالوا بأنهم يقرون حرية الاعتقاد الخاص وحرية إقامة الشعائر الدينية للأديان السماوية المعترف بها حسب زعمهم. وسبق أن قلت إن هذا أمر خطير جدا أخطر من كل ما سبقه، لأنه يوجب كفر من قال به واعتقد جوازه من المسلمين. Le cheikh, il dit, j'ai déjà mentionné quand on parlait des paroles de Mustafa Mashmour et de la lettre que les Ikhwan ont écrit pour le journal qu'on a expliqué dans les cours passés, qu'ils ont essayé de confirmer ou d'affirmer qu'ils croyaient en la liberté de croyance de l'individu, et qu'un individu ou que des groupes religieux ont la liberté d'appliquer leur religion, hein, et leur croyances et leurs pratiques religieuses qui sont des religions célestes reconnues selon ce qu'ils prétendent. Et on a déjà expliqué que ça, c'est une chose dangereuse, plus dangereuse que tout ce qui a précédé dans ce qu'on a réfuté jusqu'à maintenant, et qui implique que la personne qui dit, hein, ou qui croit en la permission d'avoir la liberté de croyance parmi les musulmans, il a mécru en l'islam. Et en même temps, étant donné que le cheikh, il revient sur justement cette parole qui avait été mentionnée dans les cours passés, dans un des cours qu'on a fait dans le passé, on a parlé des conditions de Omar qu'il avait pris avec les chrétiens, et c'était dans, si je ne me trompe pas, le cours 13, hein, on avait parlé des conditions de Omar, on les avait mentionnées. Puis il y avait quelques-unes des conditions que j'avais pas traduites, parce que justement il y avait des significations qui n'étaient pas claires pour moi à ce moment-là. Puis je suis retourné pour vérifier certaines d'entre elles parmi ces conditions-là, et j'ai trouvé quand il dit wala nakhruj sha'anina wala bu'uthan, j'ai vérifié dans les explications, parce que déjà le cheikh dans le livre, il y avait une erreur de frappe, c'était marqué Sa'anin avec Sin, alors qu'en réalité c'est Shin, c'est Sha'anin, j'ai vérifié. Et Sha'anin et Bu'uzan, c'était deux fêtes parmi les fêtes des chrétiens. Hein? C'est comme Noël et des choses de ce genre. Et donc, dans les conditions qu'ils avaient prises avec les chrétiens, c'est qu'ils ne devaient pas sortir pour fêter leur fête dehors, devant les musulmans. Et donc, les ulama, ils ont, comme Ibn Taymiyyah et d'autres, ils ont expliqué que parmi les arguments qu'ils ont mentionnés pour dire que les musulmans n'ont pas le droit de pratiquer la fête de Noël ou de participer avec les chrétiens à Noël, c'est que comment on peut participer à une fête avec des gens que déjà l'islam interdit à ces gens-là de faire leur fête ouvertement. Alors comment, en plus de ça, si on leur interdit de pratiquer ces fêtes-là ouvertement, comment par la suite nous-mêmes les pratiquer, hein? C'est encore plus absurde. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, le cheikh, il dit, donc à propos de ce passage-là, il dit, on revient à la question de la liberté de croyance maintenant. Il dit, ومقتضى هذا التعبير أنه يجوز لكل أحد أن يختار ما شاء من الأديان، فمن شاء دخل في الإسلام، ومن شاء دخل في دين اليهود، ومن شاء دخل في دين النصارى، ومن شاء دخل في دين المجوس، ومن شاء دخل في دين الهنادك، وإلى غير ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعرض عليه أو ينصحه أو يعاقبه أو أن يتعرض عليه أو ينصحه أو يعاقبه فضلا عن أن يستتيبه ويحكم عليه بحد الردة. وهذا ما يقتضيه إطلاق هذه الجملة، بل وهذا إطلاق يبيح له التنقل من دين إلى دين، فمرة يكون مسلما ومرة يكون يهوديا ومرة يكون نصرانيا وهكذا، ويجوز له التنقل إلى أديان مختلفة لا اعتراض عليه، وليس لأحد أن يحكم عليه بأنه مخطئ لأنه فعل ما يجوز له عند فئة وحزب الإخوان المسلمين. ولا شك للشيخ دي، ولا يشك مسلم بسيط فضلا عن متعلم أن هذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة الإسلامية، فأما مخالفته للكتاب فالله تعالى يقول. Donc on va expliquer ce passage. Le cheikh, il dit, qu'est-ce que cette parole de liberté de croyance implique? Quand on l'exprime de cette manière, ça implique que quelqu'un peut choisir qu'est-ce qu'il veut comme religion. Il peut, s'il veut, choisir la religion de l'islam, rentrer dans l'islam, ou bien rentrer dans le judaïsme, ou rentrer dans le christianisme, ou rentrer dans la religion des Majus ou des hindous, et ainsi de suite. Et donc, il dit que dans ce cas-là, ça veut dire que pour eux, personne ne peut s'opposer à lui, personne ne peut le conseiller, personne ne peut le punir, et encore moins lui demander de se repentir et de donner le verdict de l'apostasie à son sujet. Et ça, c'est ce qu'implique cette phrase qu'il a affirmée en parlant de la liberté de croyance individuelle, ainsi de suite. Et il dit que c'est une implication, ou c'est une parole qui implique que quelqu'un peut se déplacer ou changer d'une religion à l'autre. Donc, à un moment donné, il va être musulman, après il va devenir juif, après chrétien. Il peut s'amuser comme ça à changer de religion d'une à l'autre sans qu'il y ait aucune personne qui puisse lui dire, par exemple, qu'il a une erreur. Donc, ou qu'il se trompe de faire ça, ou bien qu'il est en train de commettre une forme d'apostasie. Parce qu'il est en train de faire, selon les Ikhwan, quelque chose qui lui est permis de faire. Hein? Et Ikhwan, il croit que c'est permis à quelqu'un de faire ça, de s'amuser comme ça, de changer de religion, puis d'aller d'une religion à l'autre, ou bien d'avoir qu'il a la liberté de croyance. Le cheikh, il a mentionné seulement la question de changer d'une religion à l'autre, mais ça implique quelque chose d'aussi grave encore, c'est que quelqu'un peut changer de religion, et quelqu'un, ça c'est de partir de l'islam et aller à une autre religion, ou bien encore possible pour eux de dire que dans ce cas-là, quelqu'un qui est musulman, il peut croire en n'importe quelle secte parmi les sectes qui se prétendent musulmanes et suivre n'importe quelle bid'a parmi les bid'a qui sont appliquées parmi les groupes et les sectes d'égarement et de propager ses croyances et ses sectes et d'appeler à ce qu'il veut parmi les sectes d'égarement. Donc s'il veut être chiite, hein, s'il veut être soufi, s'il veut être n'importe quelle tariqa, hein, ça c'est correct pour eux. S'il veut être mu'tazili, s'il veut être ismaili, s'il veut être khariji, toutes les sectes, toutes les tendances sont ouvertes et il est libre. Hein. Même Tariq Souaidan, dans une conférence qu'il a donnée ici au Canada, une fois il est venu à Toronto, il a fait une conférence, il a dit, parmi les libertés que l'islam donne, il y a la liberté de secte. Il a dit Hurriyatul al-firq wal-adiyan. Les gens ont la liberté de religion et de secte. Il dit tu peux choisir n'importe quelle secte que tu veux, hein, dans l'islam. Donc ça c'est pour dire à quel point ils sont allés loin, ok, dans leur égarement. Et ça vient en contradiction avec tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, des fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Hein? Donc le Cheikh il dit donc il n'y a pas de doute, même pour un musulman le plus simple d'entre les musulmans, hein, sans parler même de ceux qui sont éduqués dans l'islam, que cette parole est en contradiction avec le Coran, avec la Sunna et avec le consensus de la Umma islamique. Et en ce qui concerne les preuves de sa contradiction, de la contradiction de cette parole avec le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les versets suivants. Donc le cheikh, il va énumérer ou il va citer un nombre de versets. يقول تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ويقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ويقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وهذا يدل على أن محبة اليهود والنصارى وغيرهم من فئات الكفار وتوليهم والتشبه بهم ومظاهرتهم على المسلمين ودعوة المسلمين إلى ذلك والنظر إليهم بعين الإكبار والإجلال والنظر إلى المسلمين بعين الإهانة والاحتقار كل ذلك موجب لسخط الله على فاعله وقد يؤدي بفاعله إلى الردة وإن لم يعلن الدخول في دينهم لشيخ الزيد. Regardez les versets que le cheikh il mentionne. Premièrement, il mentionne le verset 3 dans Sourate Al-A'raf, le verset qui dit et suivez ce qu'Allah vous a fait descendre ou suivez ce qu'Allah a fait descendre sur vous pour vous. Hein? Suivez ce qui a été révélé pour vous de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés en dehors de cela. Hein? Comme vous vous souvenez peu. Donc, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici de ne suivre rien d'autre que ce qui a été révélé sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur la religion, ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala comme religion sur le messager. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été révélé, c'est ça ce qu'on doit suivre seulement, et non pas d'autre chose qui a été en contradiction avec ça, ou bien qui a été révélé avant ça, et qui a été probablement déformé parmi les livre des gens du livre et des autres religions. Ensuite, il mentionne un autre verset qui est le verset 153 dans Sourate Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit suivez, voici mon droit chemin dans toute sa dans toute sa droitesse, dans toute sa rectitude. Alors suivez-le et ne suivez pas les petits chemins qui vont vous diviser de ou vous déformer, vous dévier de ce chemin droit-là. Et c'est en quoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a enjoint pour que vous atteigniez la piété. Ensuite, il mentionne le verset 18 et 19 dans Surat Al-Jathiyah. Et ce verset-là, il dit « Puis nous t'avons mis sur la charia de l'ordre, alors suivez-la et ne suivez pas les passions de ceux qui ne savent pas, ils ne vont rien vous rapporter hein, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne vont vous enrichir ou vous profiter en rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les injustes sont les alliés les uns des autres, tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'allié des pieux, des muttaqin. » Et il mentionne ensuite comme verset le verset 51 et 54 dans Sourate Al-Ma'idah. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. » Puis ensuite, il passe, il dit jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise dans le verset 54 « Ô vous qui avez cru, quiconque d'entre vous apostasie de sa religion, alors sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un peuple qui aime hein, qui l'aime et qui aime Allah, c'est-à-dire un peuple que Allah aime et qui aime Allah. Ils sont humbles envers les croyants et fiers et puissants envers les non-croyants. Et ils combattent et luttent dans le sentier d'Allah et ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. » Donc ça, c'est des versets que le cheikh a mentionnés pour montrer que on n'a pas le droit de suivre une autre religion que l'islam. Et il y en a beaucoup d'autres versets qui prouvent ça aussi. Mais le cheikh, il a mentionné ça aussi pour faire comprendre, comme il le dit après, que ça indique une chose. C'est que, en fait, le fait d'aimer les chrétiens, les juifs et d'autres parmi les groupes de koufar, et de les prendre pour alliés, c'est-à-dire de les aimer par rapport à leur... par rapport à leur religion et à les supporter, à les défendre par rapport à leurs croyances et de ressembler avec eux et de les aider contre les musulmans et d'appeler les musulmans à ça et de regarder les koufars avec un œil de respect et d'exaltation et de respect pour eux. C'est-à-dire, tu les élèves, tu les agrandis, tu les vénères, tu les exaltes, tu les considères comme des gens qui méritent beaucoup d'honneur et de respect, ainsi de suite. Tandis que tu regardes les musulmans avec un œil de mépris et de rabaissement, tu les considères comme si c'était rien, hein. Tandis que tu élèves les koufars et tu fais ces choses-là. Donc le cheikh dit tout ça fait en sorte que quelqu'un qui a ces caractéristiques-là ou qui fait ces choses-là, il mérite la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'est-ce qu'il a fait. Et ça peut même amener quelqu'un à apostasier, hein, à tomber dans l'apostasie à cause de ça, même s'il n'est pas rentré dans leur religion. C'est-à-dire, pour que quelqu'un tombe dans l'apostasie, dans l'islam, c'est pas nécessaire qu'il dise j'ai quitté l'islam ou je change de religion. Quelqu'un peut devenir un apostat même s'il n'a pas voulu changer de religion ou qu'il n'a pas professé ou qu'il n'a pas dit qu'il a cru en une autre religion. C'est-à-dire, s'il fait des choses de ce genre, comme il aime les koufars et les mouchriquins dans leur religion, hein, à cause de leur religion et de leur shirk, ou bien qu'il fait du shirk lui-même, ou bien qu'il fait quelque chose qui est kufr, hein, qui est un kufr majeur ou un shirk majeur, il peut quitter même l'islam sans même s'en apercevoir lui-même, comme on a vu dans Nawaqid al-Islam. Donc ça, c'est un point important de faire comprendre aux gens que c'est pas nécessaire que seulement de vouloir. Comme par exemple, si les Ikhwan disent qu'on a la liberté de croyance ou de pratique religieuse, ça veut dire que si quelqu'un décide d'aller égorger ou sacrifier immoler des bêtes à des tombes, qu'il donne la liberté à quelqu'un d'aller pratiquer ça, alors que c'est shirk. Il donne la liberté aussi d'aller prier, invoquer les saints et les tombes, et ça aussi c'est des formes de shirk. Il donne la liberté de faire des vœux et des serments pour les morts. Et ça aussi, c'est des formes de shirk. Donc, il y a plein de choses que si tu dis que tu donnes la liberté religieuse aux gens de pratiquer tout ce qu'ils veulent comme croyance religieuse, ben ça ouvre la porte à tout ce qui est contraire à l'islam. Et ça ouvre la porte au shirk, au kufr et à la bid'a. Et à croire en toutes sortes de choses qui sont fausses. Et donc ça, c'est pas permis. Le cheikh, il mentionne des versets. Il dit: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَيَقُولُ عَزَّ مَنْ قَائِلَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَيَقُولُ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار وفي حديث حذيفة بن اليمان في الصحيح قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال فهل من بعد هذا الشر من خير قال نعم خير وفيه دخن ثم وقال وما دخنه قال أقوام يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر ثم قال وقال فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قال قلت صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. Donc le cheikh dit وأقول من الدعاة على أبواب جهنم من يقول إن الناس أحرار في اعتقادهم ولهم أن يعتقدوا ما شاءوا ومن الدعاة على أبواب جهنم من يبيح الشرك الأكبر ويقر بالوثنية ولا يرى فيها خروجا عن الإسلام ولا مناقضة له كل ذلك موجود عند الإخوان المسلمين يعتقدون حله ويدينون به ويدعون إليه كما سبق وكما سيأتي فإنا لله وإنا إليه راجعون. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 85 dans sourate Al-Imran, et quiconque cherche une religion autre que l'islam ou désire une religion autre que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui par Allah subhanahu wa ta'ala, et dans l'au-delà il sera parmi les perdants. Et il mentionne le verset 3 dans sourate Al-Ma'ida, aujourd'hui j'ai accompli pour vous votre religion, j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé comme religion pour vous l'islam. Et il mentionne le verset 115 dans sourate An-Nisa, et quiconque se dissocie du messager après que la vérité lui a été clarifiée et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner comme il s'est détourné et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Muslim, qui dit, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par celui qui tient mon âme en sa main, nul n'entend parler de moi parmi les juifs et les chrétiens sans croire en ce que j'ai apporté, excepté qu'il sera parmi les gens du feu de l'enfer. Hein? Donc quelqu'un parmi les juifs et les chrétiens qui entend parler de l'islam sans croire à lui et qui meurt dans la mécréance, il est parmi les gens de l'enfer. Ensuite, le cheikh il mentionne l'autre hadith qui est le hadith de Hudayfa, qui est le hadith très célèbre, qui dit: les hommes demandaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tout ce qui a rapport avec le bien, tandis que moi je demandais au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tout ce qui a rapport avec le mal, parce que j'avais peur moi-même que ce mal me tombe dessus ou me touche. Alors j'ai dit au messager d'Allah, nous étions dans l'ignorance et dans la jahiliyyah et dans le mal, et Allah nous est venu avec ce bien qui est l'islam, est-ce qu'il y a après ce bien un mal qui va venir? Il a dit oui. Et il a dit, est-ce que après ce mal il y aura encore du bien? Il a dit oui, mais ce sera un bien dans lequel il y a quelque chose de fumé, comme de la fumée ou quelque chose qui n'est pas clair dedans. Hein? Et il a dit, est-ce que tu peux décrire cette dakhan, cette brune ou cette fumée, hein? Comment on peut la décrire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit en disant, ce sont des gens qui se basent sur autre que ma sunna et qui se prennent comme guidance autre que ma guidance. Il y a des choses que tu vas accepter d'eux et d'autres choses que tu vas dénoncer parce qu'elles sont mauvaises. Et après, yani, Hudhayfa a dit, et est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Il a dit oui, il y aura un mal après ça. C'est des hommes qui invitent les autres aux portes de l'enfer. Quiconque leur répond et accepte leur appel sera jeté dedans, c'est-à-dire sera jeté dans l'enfer. Et le Hudhayfa ibn Yaman, radiallahu anhu, il a dit, est-ce que tu peux nous les décrire, au messager d'Allah? Hein? Décris-les-nous. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ils sont des gens de notre origine, de notre groupe, hein, de notre djildatina, c'est-à-dire de notre peau, c'est-à-dire ils ont la même couleur que nous, ils sont les mêmes ethnies que nous, et ils parlent de la même langue. Hein, ils parlent de la même langue que nous. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que soit ce sont des Arabes, ou bien soit que ce sont des musulmans qui parlent arabe. Hein, ou bien qui parlent la langue des musulmans. Donc, dans ce sens-là, c'est possible de l'expliquer comme certains chouk l'ont expliqué de cette façon-là. Et ils ont dit que, donc, ça veut dire que c'est des gens qui font partie de nous, c'est pas des étrangers. Et, comme on expliquait plusieurs fois, c'est que souvent le danger qui vient contre les musulmans, c'est un danger qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire c'est des gens qui sont parmi les musulmans, qui se disent musulmans, qui sont les premiers à combattre l'islam. Et qu'est-ce qu'on a remarqué maintenant des Ikhwan, de la part des Ikhwan maintenant, que ce soit au Canada ou même en Europe, c'est que quand ils ont quelque chose contre des musulmans, contre d'autres musulmans, hein, qui sont pas d'accord avec eux, ils utilisent les koufars pour les frapper. Ils utilisent les koufars pour frapper ces musulmans-là, ou pour faire du tort à ces musulmans-là. Parce que ces groupes de Ikhwan, ils ont des alliances avec des groupes de koufars. Et ils leur disent, par exemple, c'est ceux-là, faites attention, ceux-là, ils sont comme ci, ceux-là, ils sont comme ça. Ils mentent à leur sujet, ils disent des choses pour leur faire peur. Et ensuite, vous voyez ces koufars commencer à attaquer ces musulmans-là et aller critiquer et à leur faire des problèmes ou à leur faire mauvaise réputation dans les médias, et ainsi de suite, parce que c'est des musulmans qui sont en train de démontrer ou démasquer leurs ruses et qui sont en train de montrer leurs mensonges et leurs égarements aux autres musulmans et aux non-musulmans aussi. Et donc, pour se venger, ils mettent les koufars contre ces musulmans-là. Donc, déjà, ça c'est un exemple. Mais aussi, ils s'opposent au Coran et à la Sunna ouvertement. Vous voyez, dans tout ce qu'on a donné depuis le début de cette explication dans ce livre, Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul, ala al-Muttasil al-Majhul, le Cheikh Ahmed al-Najmi, il ne réfute pas des koufars. C'est-à-dire, il ne réfute pas des gens qui sont des chrétiens ou des juifs ou des gens qui sont à l'extérieur de l'islam et qui critiquent l'islam. Il critique des gens qui se disent musulmans et qui pratiquent l'islam et qui même prétendent être en train d'appeler à l'islam et qui prétendent vouloir appliquer la charia de l'islam. Et que ce sont des gens qui sont en train d'opposer l'islam et la charia et de détruire l'islam de l'intérieur. Donc, on voit que le danger de l'ennemi à l'intérieur est plus grand que le danger de l'ennemi extérieur. Et c'est pour ça que certains ulama comme Cheikh Rabir et d'autres ulama, plein de ulama, ils ont tous dit, hein, la plupart des ulama d'Ahlul Sunnah, ils disent ça aussi, que les mubtadi'a sont plus dangereux pour l'islam que les juifs et les chrétiens. Les gens de bid'a sont plus dangereux pour les musulmans que les juifs et les chrétiens. Alors après, tu vas voir, par exemple, quand tu es en train de critiquer ou de réfuter des groupes de bid'a comme les Ikhwan et d'autres, alors il y a certains de ces gens-là qui viennent te voir, ou bien certains parfois qui sont juste naïfs, qui sont pas au courant de l'égarement des Ikhwan, hein. Et donc quand ils voient les musulmans, les salafis qui sont en train de les réfuter, ils disent: ya akhi, comment tu critiques tes frères, comment tu parles contre des musulmans comme toi, et tu dis des choses qu'ils font comme ça, et tu les dénonces publiquement, et tu montres même aux kuffars qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font de contraire à l'islam, ça c'est pas bien, il faut pas faire ça, on est des musulmans, et ainsi de suite, hein. Et on voit que ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de la sunna et la réalité de l'islam. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est musulman que du simple fait qu'il se dise musulman, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il croit par la suite, on passe par-dessus, puis on fait comme si rien n'était, et qu'on doit le défendre même dans le faux, même dans le mensonge, même dans la contradiction, même dans l'égarement. Donc il faut mettre les choses à leur bonne place et analyser les choses comme il faut pour faire comprendre aux gens que c'est vrai qu'on est des musulmans, mais quand des gens commencent à sortir de la sunna, commencent à sortir de la bonne aqidah et commencent à défendre qu'est-ce qui est contraire à l'islam, au nom de l'islam, là il faut prendre nos distances et se dissocier de ces gens-là et les réfuter et clarifier la réalité et la vérité de l'islam au sujet de ce que ces gens-là inventent comme mensonge. Donc le cheikh il dit: wa aqul min ad-du'at ala abwab jahannam man yaqulu inna an-nas ahrar fi i'tiqadihim. Il dit: parmi les gens qui appellent les gens aux portes de l'enfer, c'est ces gens-là parmi les gens qui disent que on est tous libres dans nos croyances et on a le droit de croire en ce qu'on veut, hein. Et parmi donc les gens qui appellent aux portes de l'enfer, c'est ceux qui permettent ou qui rendent licite le shirk majeur et qui acceptent l'idolâtrie et qui voient que ils ne voient pas ou ne considèrent pas que dans l'idolâtrie il y a quelque chose qui fait sortir de l'islam et qui s'oppose à l'islam. Tout ça, c'est présent, ces caractéristiques-là sont présentes chez les Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, hein. Ils croient que c'est permis de changer de religion puis de pratiquer la religion comme tu veux, hein, et de la façon que tu veux. Et ils appellent à ça. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Et une des choses étonnantes que vous allez constater probablement si vous avez une expérience et que vous ayez côtoyé les Ikhwan un peu dans le passé, vous allez voir que ce sont des gens qui disent qu'ils sont pour la liberté de croyance et la liberté de religion, mais c'est bizarre comment pour eux cette liberté de religion et d'opinion là, ils l'appliquent uniquement avec les kuffars et les mubtadi'a comme eux, mais ils sont complètement ennemis déclarés des salafis. Et pour les salafis, il n'y a pas de liberté, hein, chez eux. Yani. Ils ne considèrent pas qu'il y a de liberté parce qu'ils sont toujours en train de les attaquer, les critiquer, trouver leurs fautes et leurs défauts, essayer même parfois s'ils sont capables de leur faire physiquement du mal, ils vont même les attaquer physiquement aussi. Hein, c'est à quel point ils sont grave, yani, parfois. Donc, il parle de liberté religieuse, liberté d'opinion, mais t'es libre tant que tu les critiques pas. C'est ça la réalité. Hein? Tandis que nous, on dit non, il n'y a pas de liberté de religion. La seule liberté que tu as, c'est de suivre le Coran et la Sunna et la voie des salaf salih. Ça, c'est la liberté que tu as si t'es un croyant et si t'es un musulman. D'accord? Mais, si t'es un musulman, puis tu dis que t'es un croyant, puis tu penses que tu as la liberté par la suite de faire ce que tu veux, ou dire ce que tu veux, ou penser, ou croire en ce que tu veux, hein, ça c'est grave. Mais là, en plus de ça, lorsque quelqu'un vient te donner le bon conseil et vient t'ordonner le bien et t'interdire le mal, là tout d'un coup, lui, il perd sa liberté religieuse parce qu'il te critique, soi-disant. Donc c'est comment ils ont deux poids, deux mesures par rapport aux gens et comment ils sont contradictoires. Donc maintenant on va lire les rapports des savants de l'islam au sujet de l'apostasie, et qu'est-ce que les savants de l'islam ont dit à ce sujet-là comme, comme consensus de la Ummah pour prouver qu'il y a un consensus sur la question de l'apostasie entre les savants de l'islam. Le cheikh, il dit, وأما مخالفته للإجماع، parce que là il a dit que c'est contraire au Coran, à la Sunna et à l'Ijma. On a mentionné les preuves du Coran, on a mentionné les preuves de la Sunna, maintenant on va mentionner les preuves de l'Ijma, les preuves de, du consensus des imams et des savants de la Sunna, de l'islam depuis le temps des Sahaba et après. Le cheikh il dit أما مخالفته للإجماع فقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد يعني وفقه الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وإنما اختلفوا في استتابته وحكى الإجماع على وجوب قتل المرتد ابن المنذر في كتابه الإجماع وحكى الإجماع على قتل المرتد ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع بشروط ارجع إليه إن شئت في باب الإمام وحرب أهل الردة. Donc le cheikh dit المهم أن علماء المسلمين أجمعوا على قتل المرتد وإن اختلفوا في بعض الشروط لذلك وقد اشتهر الخلاف في مسألتين من مسائل حكم الردة وهي. Donc le cheikh il répond maintenant à la question sur le plan de l'ijma. Il dit il a prouvé l'interdiction pour les musulmans de changer de religion par le Coran, par la Sunna, maintenant par l'ijma, et il cite l'ijma mentionné par Ibn Abd al-Barr qui est un des grands imams, Abu Omar Ibn Abd al-Barr, un des grands imams de l'Andalousie, qu'on l'appelait le Bukhari de, on l'appelait le Bukhari de l'Andalousie. Donc ça c'est pour vous dire comment il était reconnu par sa science et sa connaissance et son ilm. Il a un grand livre qui explique Al-Muwatta qui s'appelle Al-Tamhid. Il a un autre livre également qui s'appelle Al-Istidhkar. Il a un autre livre qui s'appelle Jami'u Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi. Et il a également d'autres livres qui sont des livres très grands dans l'islam et très respectés par les ulama. Hein? Donc c'est un des grands ulama de l'islam. Hein? Et un des imams parmi les imams des salafs. Il dit dans le volume 5 à la page 306 de ce livre, At-Tamhid, et la compréhension du hadith, c'est que quiconque apostasie de sa religion, son sang devient licite et on frappe son coup. Hein, son coup sera frappé, avec une épée bien sûr. Et la Ummah est toute réunie, c'est-à-dire ils sont toute la Ummah est d'accord et en accord à ce sujet-là, même s'ils ont divergé au sujet de la question de Al-Istitaba, c'est-à-dire est-ce qu'on doit lui laisser un répit pour lui donner un délai pour se repentir ou non. Là-dessus, ils ont divergé. Mais sur la question est-ce que son sang est licite, est-ce qu'il doit être tué, oui, ils sont tous d'accord. Et un petit point en passant ici, c'est que lorsqu'on parle de l'exécution de l'apostat, on parle de l'exécution de l'apostat par rapport aux règles de l'islam, et donc c'est pas un verdict qui s'applique n'importe où, n'importe comment, par n'importe qui, mais c'est uniquement dans un pays musulman et c'est appliqué dans c'est un verdict qui s'applique et que le dirigeant des musulmans fait appliquer, ou son représentant, c'est-à-dire le juge, un juge dans une cour islamique, ainsi de suite, qui va faire appliquer cette peine de l'apostasie, et non pas et non pas n'importe quel individu parmi les musulmans qui va se permettre de faire cette chose-là. Ça, c'est incorrect de penser comme ça. Comme certains des khawarij aujourd'hui qui se donnent cette autorité-là et qui pensent qu'ils ont le droit d'appliquer les peines de la charia par eux-mêmes. Donc, ils attrapent des gens comme ça, qu'ils ont considérés comme étant des apostats, puis ils prennent une caméra, puis ils filment en leur coupant la tête ou des choses comme ça, et ils mettent ça sur internet par la suite et ils pensent que là ils ont appliqué la charia en faisant ça. Et ça, bien entendu, ça n'a rien à voir avec la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça n'a rien à voir avec l'application des peines de la charia et de l'islam, parce que c'est uniquement un dirigeant officiel qui peut faire que dans son pays on applique ces peines de l'islam là, et non pas des égarés parmi des petits groupes qui se prétendent takfiri, qui se prétendent en train d'appliquer l'islam, qui décident eux-mêmes. Hein? Vous imaginez, si trois, quatre jeunes ils se mettent ensemble, qui disent bon ça y est, on va appliquer la charia, ils sortent dans la rue, commencent à tuer les gens. Ça c'est pas la religion d'Allah, ça c'est le désordre que ces gens-là sont en train de faire. Donc on voit ici dans la première citation que le cheikh il mentionne, la parole de Ibn Abd al-Barr qui mentionne là l'ijma à ce sujet-là. Ensuite, l'ijma a été aussi mentionné dans le livre Al-Ijma, qui est écrit par Ibn al-Munzir, qui est un des grands savants de l'islam également. Il a mentionné le consensus au sujet de l'obligation de tuer l'apostat. Et ça, c'est le point numéro 55 à la page 153 et 154 de son livre. Et l'ijma à ce sujet-là a également été rapporté par l'imam Ibn Hazm dans son livre Maratib al-Ijma. Hein, au sujet du fait que l'apostat doit être exécuté avec des conditions. Et si tu veux, tu peux retourner à ce sujet-là dans le livre en question, dans le chapitre le dirigeant et la guerre contre les gens de la Ridda. Donc, en passant ici, je voudrais juste en profiter pour réfuter quelques points que Tariq Ramadan a mentionné justement à ce sujet-là dans sa cassette qu'il a fait, soi-disant, en réponse aux salafis. Il a fait une cassette et il a intitulé « Réponse aux salafis ». Il dit, en commençant, le premier point, je ne vais pas tout répondre à tous les points qu'il a dit, mais juste les plus importants. Premièrement, il a commencé en disant qu'il y a plusieurs écoles à ce sujet-là, hein, et c'est une question au sujet de laquelle il y a des divergences entre les savants. Il n'y a pas d'ijma, il a dit, il n'y a pas de consensus. Et il a critiqué les salafis en disant que les salafis, ils n'ont pas bien étudié cette question-là. Ils ne connaissent qu'une seule position, qu'une seule école, et ils n'ont pas étudié les autres écoles dans cette question-là, et ils ne sont pas au courant des divergences à ce sujet-là. Donc ça c'est une méthode, et ça c'est une des techniques de Tariq Ramadan. Quand il veut réfuter quelqu'un ou quand il veut parler contre quelqu'un, la première chose c'est qu'il nie la réalité, ou bien il traite la personne de se limiter à une seule école. Il l'accuse de se limiter à une seule école. Et il y a une chose qu'il doit savoir en partant, c'est que s'il y a des gens qui ont étudié à Médine, quand on étudie à Médine, à l'université islamique, que ce soit en charia ou en hadith ou autre, dans chaque question de fiqh qu'on étudie à l'université islamique, que ce soit dans le kouliyat al-charia ou dans le kouliyat al-hadith, on étudie toujours les différents madhahib pour chaque question. Et on regarde chacune des arguments qui est rapporté par chacun de ces madhahib. Et qu'est-ce qu'ils ont ramené comme preuve? Hein, et l'analyse de ces preuves-là et le tarjih par la suite. Donc, de dire qu'on n'a connu qu'une seule école, ça c'est vraiment une accusation totalement fausse. Hein. Ça c'est premièrement. Dans Kuliyatul al-Sharia, ils font al-fiqh al-muqaran, c'est-à-dire ils étudient le fiqh comparé, en comparant les différentes écoles et en analysant les différentes preuves. Moi j'étais dans Kuliyatul Hadith, et dans Kuliyatul Hadith, quand on étudie le fiqh, on se base sur Nailul Awtar de l'imam Ash-Shawkani, et on fait le fiqh basé sur le hadith. Et à chaque fois qu'on étudie une mas'ala ou une question en particulier dans le fiqh, on va toujours analyser les différentes paroles des imams, qu'est-ce qu'ils ont dit, et les différentes preuves qu'ils ont ramenées sur chacune de ces questions-là, et l'analyse de ces preuves-là par la suite. Donc, de prétendre qu'on a seulement étudié une seule école et qu'on ne connaît pas les autres écoles, ça c'est un mensonge, premièrement de la part de Tariq Ramadan. Deuxième point, le fait qu'il dit qu'il y a divergence entre les savants, il n'y a pas d'ijma. Ça, c'est un mensonge également. On voit très bien, l'imam Ibn Abdul Barr, il mentionne l'ijma à ce sujet-là. L'imam Ibn al-Munzir, il mentionne l'ijma à ce sujet-là. L'imam Ibn Hazm, il mentionne l'ijma à ce sujet-là. Et beaucoup d'autres imams, et on n'a pas trouvé aucun savant qui diverge au sujet de l'obligation d'exécuter l'apostat. Hein? Donc ça, c'est des mensonges de sa part. Et ensuite, il prétend, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, je voulais surtout parler de ce point-là, puisque c'est le plus important parmi les points qu'il mentionne, c'est le fait qu'il dit que il n'y a pas d'ijma. Et il dit, et il croit qu'il n'y a qu'une seule école qui est vraie, et que celui qui change de religion, il doit être tué dans l'islam. Et il dit, tous les ulama qui ont étudié l'islam savent que la punition de l'apostasie est une question de divergence, il n'y a pas de consensus à ce sujet-là. Donc ça, c'est son premier point, et on a vu maintenant la preuve que c'est complètement faux. Et que s'il y a des divergences, c'est pas au sujet de la peine de l'apostasie, mais c'est au sujet de certaines questions ou certaines conditions. Et le cheikh, il dit, l'important, c'est que les ulama sont tous d'accord sur le fait que l'apostat doit être exécuté dans l'islam. La seule chose sur laquelle ils ont divergé, c'est les conditions qui se rapportent à ça, sur certaines des conditions. Et il y a deux khilafs qui sont mentionnés parmi les ulama qui sont très connus au sujet de la question du verdict de l'apostasie. Voici ces deux divergences-là, qu'est-ce qu'elles sont? La première divergence, c'est au sujet de la femme apostat. Est-ce qu'elle doit être exécutée ou non? Ça, c'est la première divergence. Et la deuxième divergence, c'est au sujet de l'istitab. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit donner un délai à la personne qui a apostasié? On lui donne un délai pour se repentir ou non? Il y en a qui disent non, on doit l'exécuter sur le champ. Et il y en a d'autres qui disent non, on doit lui donner un délai. Et il y en a qui disent la femme qui a apostasié, elle est exécutée. Et il y en a d'autres qui disent non. Et qui disent qu'il y a d'autres punitions à ce sujet-là. Donc, c'est seulement là-dessus, hein, seulement ces points-là, hein, qui font partie des divergences les plus connues à ce sujet. Les autres questions ne font pas partie des divergences. Il n'y a pas de divergence à leur sujet. Et le point le plus fondamental, la question de l'exécution de l'apostat, ça, c'est une question au sujet de laquelle il n'y a pas de divergence. Ok? Et il y a beaucoup d'autres choses qu'il a fait. Il a déclaré un hadith authentique, il l'a déclaré faible, alors qu'il est dans Al-Bukhari. Hein? Il dit qu'il est rapporté par Muslim et pas par Bukhari. Donc c'est comme si, en voulant dire, si le hadith n'est pas rapporté par Al-Bukhari mais qu'il est rapporté seulement par Muslim, ça veut dire que on doit douter de son authenticité. Et ça, c'est totalement faux, yani ça n'a rien à voir. Un hadith peut être rapporté seulement par Al-Bukhari ou seulement par Muslim ou même par les autres sunan. Un hadith peut être rapporté seulement par Abu Daoud, ou seulement par An-Nasa'i, ou seulement par Ibn Majah, ou seulement par d'autres livres, parmi les livres des imams de hadith. Et s'il respecte les conditions d'authenticité, il est authentique. C'est pas une condition qu'ils soient tous d'accord sur, ou qu'ils l'aient tous mentionné dans leurs livres pour qu'ils soient authentiques. Hein? Donc ça, c'est déjà de la poudre aux yeux qu'ils jettent aux gens. Et le problème avec lui, c'est qu'il s'adresse à des gens qui ont étudié la médecine, la chimie, la physique, la gestion, l'administration toutes ces autres sciences humaines, et qui ignorent tout de la charia et de la connaissance de l'islam. Alors, ils ne vont pas le corriger puisqu'ils ne connaissent pas la religion. Ils ne vont pas le réfuter puisqu'ils ne savent pas. Donc, tout ce que Tariq dit, c'est la vérité pour eux. Hein? Et il parle tellement bien, hein, comme ils le disent tout le temps. Il s'exprime bien, donc. À cause de son bon langage, on lui excuse toutes les fautes du monde. Même si ce sont des fautes qui sont dans les fondements de l'islam et qui sont en contradiction même avec les fondements de notre aqida. Donc nous on va s'arrêter ici à ce premier point là. La semaine prochaine, inchallah, on va continuer le point où le cheikh explique les détails de ces deux questions de divergence. La question de la femme qui est apostate et la question de al-istitaba, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse un délai pour laisser la personne se repentir ou non. Et puis, on reviendra aux autres points par la suite. On continuera par la suite les autres questions. D'accord? Et, alhamdoulilah, je pense que ça, c'est des sujets qui sont importants de clarifier. Parce que il y a trop de gens qui mentent au sujet de ces choses-là et qui déforment la réalité. Et il y a des gens qui sont musulmans, nés musulmans, mais qui connaissent pas l'arabe pour vérifier ces choses-là. Il y en a aussi qui sont convertis, qui se convertissent et qui apprennent des choses fausses. Donc il faut qu'ils corrigent ces connaissances-là. Étant donné qu'il y a des gens qui mentent, on peut pas laisser les gens dans l'ignorance sans avoir la compréhension de la réalité de ce qui est dit au sujet de ces points-là. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.